Les maîtres. Adam, le prince d'Eternia, avait une grande épée magique. Et quand l'univers était en danger, il le brandissait en criant: par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Avec l'aide de son tigre, du maître d'armée de Tila, il va pouvoir faire la peau à son pire ennemi. Musclor le guerrier va affronter le prince du mal, le grand squelette d'or, le maléfique démoniaque. Les maîtres. Les maîtres. Skeletor a des alliés, tels que le monstre bleu aux dents d'acier. Mais malgré sa musclor, toujours triomphera. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Musclor le guerrier va affronter le prince du mal, le grand squelette d'or, le maléfique démoniaque. Les maîtres. Les maîtres. Les maîtres. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Musclor le guerrier va affronter le prince du mal, le grand squelette d'or, le maléfique démoniaque. Les maîtres. Les maîtres.